de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. J'en ai marre de ta gueule, ma frangine, la misère. De ce putain d'espoir perdu au fond d'un verre. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. Go! Sur ma tronche, des matins qui déchantent. Je veux me sacrifier, j'ai choisi la mort lente. Je vomis tout le noir, des cauchemars oubliés. Je suis proche de la tombe, c'est la fin d'un été. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. Go! C'est un corps mutilé qui traîne au QHS. C'est un amour perdu dans les yeux d'une gonzesse. C'est une histoire ancienne, un passé que tu traînes. Rue des amours sans joie, toujours les mêmes chaînes. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. Go! Une frangine abîmée qui te blesse la gueule. Tu couches sur le pavé d'un étrange linceul. Sans espoir de retour, les allumés de la nuit. Dans les rues de Marseille, c'est ta chaîne de vie. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. Go! Dans ce bordel ambiant, mon nom moi s'évapore. Je mélange mes larmes, un dernier corps à corps. Comme un loup affamé, je leur montre mes crocs. L'acier de mon flingot, accroché dans le dos. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. J'en ai marre de ta gueule, ma frangine, la misère. De ce putain d'espoir perdu au fond d'un verre. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne. J'en ai marre du béton, de la haine de la zone. Je ne suis plus qu'un chien, je ne suis plus personne.